Commencez par vous installer confortablement, de façon à adopter une position stable mais détendue. Relâchez vos épaules, vos mâchoires et toutes les tensions présentes dans votre corps. Puis, à votre rythme et en conscience, venez prendre quelques respirations profondes. Puis, lorsque vous le choisirez, tranquillement, venez vous relier à l'émotion qui circule en vous en cet instant. Ne cherchez pas à la contrôler, à la retenir ou à la fuir. Une émotion n'est pas quelque chose de solide. À l'image de nos pensées, les émotions circulent en nous et changent en permanence. Soyez tout simplement le témoin de ce qui se passe en vous en ce moment. Accueillez cette émotion et faites-lui de la place. Qu'elle soit agréable ou non n'a aucune importance. Il n'y a d'ailleurs pas de bonne ni de mauvaise émotion. Laissez les choses être, simplement. Exactement comme ça. Essayez de voir comment cette émotion se manifeste en vous. À quoi ressemble-t-elle? Quelle en serait la couleur? Quel sentiment pouvez-vous associer à cette émotion? Essayez de voir également dans quelle partie elle se situe. Dans quelle partie de votre corps se développe cette émotion? Cherchez à décrire cette émotion et à l'observer, plutôt que de chercher à l'évaluer ou à la juger. observez ce qui se passe. À quoi ressemble votre météo intérieure en ce moment même? Le temps est-il calme et serein ou bien orageux? Pluvieux ou ensoleillé? Prenez le temps de poser des mots sur ce que vous ressentez. N'ayez plus peur de regarder en vous. Identifiez simplement ce que vous ressentez. Bien souvent, nous cherchons à retenir les émotions positives et à fuir celles plus désagréables. Pourtant, une émotion, quelle qu'elle soit, a quelque chose à nous dire. Quel message se cache derrière l'émotion que vous ressentez en ce moment? Voyez si vous parvenez à entendre ce que cette émotion a à vous dire et de quoi elle parle. Mais soyez simplement vigilant. Entendre ne signifie pas forcément croire ou donner de la valeur à. Entendre, c'est simplement adopter une attitude ouverte et disponible à ce qui est là. Continuez à observer les émotions sans pour autant vous laisser entraîner par elles. Peut-être l'humeur du début a-t-elle laissé place à une autre émotion. Essayez d'identifier avec précision la façon dont ces humeurs circulent en vous. Éphémères, volatiles, impermanentes. Mais au juste, qu'est-ce qu'une émotion? Que produit-elle sur notre corps? Qu'engendre-t-elle au niveau de nos pensées? Observez. Continuez à accueillir ce qui est là avec bienveillance. Ouvrez vos bras et votre cœur à vos émotions. Laissez faire. Laissez être tout simplement. Ouvrez les portes. Ouvrez grand les fenêtres. Et laissez les émotions circuler en vous, telle une brise légère. Il n'est plus utile de tout solidifier. Laissez les choses venir, être, puis s'évanouir. Là, exactement comme ça, en légèreté. Pratiquez l'exercice de la météo intérieure plusieurs fois par jour. Au travail, à la maison, au réveil ou au coucher. Prêtez simplement attention à ce qui se passe en vous et apprenez à ne plus avoir peur. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont, tout simplement, aussi nécessaires à l'homme que la pluie, le soleil, le vent ou le froid le sont à la nature.